j'arriverai, je découvrirai ton vice. Même si il faudrait que j'en souffre, je le saurai, j'en souffre déjà au fond de moi. Je me vengerai de toi cette fois. Ça ne passera pas, girlies, je te donnerai plus ton laisse. Là il faut que ça cesse, tu me rends trop stress. Tant pis, dégâts de ma vie. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Je découvrirai ton vice. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Je découvrirai ton vice. Je ne doute plus. Oh girl, je te laisse là. Je ne veux plus te sentir près de moi. Trop plein de vices sur ma vie. Tu peux t'en aller, miss. Car cette fois, ça ne passera pas, girlies. Je te donnerai plus ton reste. Là, il faut que ça cesse. Tu me rends trop stress. J'insiste, pas toi. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Je découvrirai ton vice. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Je découvrirai ton vice. C'est pas parce que je te kiffe que tu feras ce que tu veux, baby. Si ça me souvient, nous deux, ça va expirer. Ma vision est claire autant que l'eau. Faut que tu saches que j'ai pas besoin que tu sois ma go. Hey, pour ton info, je fais ce que je peux. Mais si tu me testes, je dis pas de conneries, lady. Le temps passe et quand je te vois, je me lasse de toi. Le temps passe et quand je vois, j'ai pas besoin de toi. Si tu veux pas faire d'efforts, on arrête là. Je perds mon temps, tu perds le tien. Et là, je te pardonne pas. Ma vie, je la gère. Je veux la vivre bien, c'est la seule pour moi sur terre. Et toi, tu vaux rien si tu crois. Je suis accro. Toi, tu te gourres ma belle. Dans ma vie, excuse-moi, tu me laisses pas de séquelles. Aujourd'hui, t'es mon kiff, ma deuxième moitié. Mais demain, à vivre, c'est faux, je me ferai amputer. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Faut que je découvre ton vice. Je découvrirai ton vice. Faut que je découvre ton vice.